sais, quand tu vois des films de des gens maniacales, il y a le plaisir de détruire le plaisir. Bon, c'est là le plaisir, il n'y a rien que ça. Est-ce qu'il y en a des gens, par exemple, des êtres qui ont des formes physiques comme d'autres, qui sont sous la domination de ces gens-là? Effectivement. Effectivement. Plus ou moins. Goering, c'est un exemple. Himmler. Hitler. Quand Hitler était dans son bunker et qu'il paniquait, là, quand il était avec Albert Speer et qu'il discutait l'architecture de la nouvelle Germania, d'un coup, là, il comment c'est vrai ça? Il n'y a que ma bouche, là. Puis les yeux, ils venaient grands comme des 50 cents. Puis il disait, I see them. Capte pas. Ouais. Ben, c'est évident que tu voyais sur l'autre plan. Pourquoi est-ce qu'Hitler était si puissant? Parce qu'il était en contact avec le supramental. As-tu été la même chose pour Napoléon et Alexandre Grand? Plus ou moins. Ça dépend avec quelle vibration tu travailles. Penses-tu que des hommes, les psychologues ont dénigré. Là, ils disaient, c'était un petit truc de cul, c'était un petit capitaine, un petit colonel. Qu'est-ce que t'as pas? Que tu sois un petit truc de cul, quand t'es en contact avec eux autres, tu deviens un grand truc de cul. Moi, c'est un prix de bord, de l'autre côté, l'industrialisation. C'est lui le maître. C'est ça, dit le maître du monde. Bon, il a fait des bonnes choses au début, d'ailleurs. Le développement de la Volkswagen, ça a servi à quoi? Ça a servi pour attacher l'Allemagne, émotivement, à son génie politique futur. Ça. Ça a été un instrument. Ben, il a jamais dit que chaque Allemand était avoir son coup. C'est évident. C'est le monde entier qui commence à avoir la Volkswagen. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand un homme travaille avec des forces, que ce soit des forces de lumière ou des forces négatives, il y a toujours un temps dans la connexion où l'homme est obligé de travailler avec des forces pour rendre les masses conscientes de tel genre. C'est ce qui est arrivé avec Hitler. Il travaille avec des formes puissantes, les gens ont tout poigné dedans. Les quelqu'un qui ont réussi à voir à travers le son juste parce qu'il avait accès à l'invisible, comme Rudolf Steiner, il voyait. Il rencontrait Hitler sur le plan astral, puis il voyait bien comment ce qu'il était fait, ce gars-là. C'était pas le Führer qui se promenait à... C'était pas le Führer. Sur le plan... Non, c'était pas le Führer. Non, moi, c'est pas ces gens juste, c'est des gens physiquement antiques. Physiquement? Napoléon. Ça, c'est des accidents de parcours. Il y a des raisons là-dedans. Charles de Gaulle, c'était un grand six pieds. Charles de Gaulle, c'était pas un homme comme Hitler. C'était pas du même pays. D'accord. Ok. Je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est pourquoi? Parce que quand ça goûte, c'est moins fatigant pour respirer. D'accord, matériel, ça dépend toujours des conditions psychologiques d'une civilisation. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont devenus des femmes qui ont marqué l'évolution du monde. Il dit que souvent, les grands hommes ont toujours une sorte de défaillance. Ils sont petits, ils aimeraient être grands. Garde Jenkins, ça n'a pas un cadeau à voir visuellement, ça n'a pas une beauté. Garde... Ça n'a pas été un bon président avec eux. C'est-à-dire que Lincoln a fait des choses importantes aux États-Unis au niveau racial. Oui, mais je veux dire, c'est pas du même calibre encore là que... Au niveau des États-Unis, on va pas dire ça à l'Américain. Garde Gandhi. Ah, Gandhi. Roosevelt, c'est ça que je voulais dire, c'est la deuxième affaire. Roosevelt, c'est un infime. Alexandre le Grand, Napoléon, puis Dieu, peut-être tout. Parce qu'il vit l'histoire de l'autre. C'était pas pour le prix de l'utilisation. Ça, c'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. C'est vrai. Au lieu d'avoir les deux bras pendants, c'est une maison. C'est un signe d'orgueil, ça. Des hommes extrêmement orgueilleux. Mais ils ont besoin de ça pour faire cette forme. C'est sûr que c'est. Mais il y a des talents, il y a deux petites poches. Hein? Il y a des finances pour vous. C'est l'autre signe d'orgueil. J'aimerais revenir à Hitler un peu. Tu as dit une chose qui m'a fait sursauter concernant la relation qu'il pouvait y avoir entre le supramental et tu disais qu'il était dans le supramental? Non, j'ai dit qu'il y avait une relation avec le supramental, autrement dit, avec un mental qui est en dehors du mental humain. OK. Alors, les forces sataniques font partie d'un plan mental qui est en dehors du mental humain. C'est supramental. Ça veut dire qu'à un moment de son évolution, il y a... Au lieu de s'en aller sur le côté des forces de la guerre, il a décidé d'aller sur le côté des forces. Je ne sais pas qu'il a décidé. C'est vibratoire, ça faisait partie de son plan de vie. C'est parce qu'il était déjà tourné à ça.

C'est l'individualité. C'est ça. L'individualité. C'est pas l'élu. C'est essentiel. Non, mais moi, qu'est-ce que je veux dire? Mais tiens, on tombe en année 81, puis on me pose la question, comment le sac connu, qu'est-ce qu'on pogne en cause? Pas des sentiments. Tiens, il y a maudit bullshit. Moi, c'est ça. Moi, je suis là, comparativement à bien des gens qui s'encœurent en maudit, ça ne bouge pas. Puis des fois, là, ils font voir, là, si là, t'es encore émotionnel, en maudit. Il y a des gars, il y a des gars, moi, donne un exemple. Il y a des gars qui sont tellement intelligents parce qu'ils sont intuitifs. Ils sont tellement intelligents qu'ils peuvent te créer des systèmes qu'avec ton talent intelligent, tu ne pourras pas en sortir des systèmes-là. Parce que ça se tient. Puis ça marche. Puis c'est justement parce que ça marche que les gens se font prendre. Si les gens avaient la vibration coupée à travers la graisse de l'intelligence rationalisée, les gens ne se feraient pas prendre. Je te donne un exemple de la scientologie. Ouais. La scientologie, c'est contrôlé par les forces négatives. C'est intelligent, la patente. Puis ça marche, la patente. Puis c'est effectif, la patente. Puis c'est dangereux, en maudit, la patente. Mais comment est-ce qu'il y a des gens qui se font prendre dedans? Pourquoi? Parce que la patente t'apprend à développer de la volonté puis à pouvoir contrôler ton environnement. L'homme autour de toi. Oui. Fait que des grandes structures, des grandes sociétés, IT&T, des grandes multinationales, puis dans Stanford Research, puis les grandes machines, là, les gros think tanks, Grand Corporation, regarde les gars qui sont là-dedans, puis moi j'en connais, c'est des scientologistes. Oui, mais ils deviennent comme des robots. C'est pas qu'ils deviennent comme des robots, ces gars-là. C'est que ces gars-là sont des robots chefs. C'est ça. Puis un robot chef en arrive éventuellement à contrôler des grappes puis des grappes. Tu veux venir assez que ça, quand tout, c'est ces affaires-là, ou quand tu vois ce qui se passe, c'est la soif du pouvoir. C'est toujours la soif du pouvoir. C'est exactement ça. Puis qui c'est qui a la soif du pouvoir? C'est l'ego. C'est ça. Les moyens de l'obtenir, c'est par la tête. Mais non, c'est pas une gabière, c'est moi de chanter une pomme. Nous autres, on parle de politique aujourd'hui, là, on parle de politique du gouvernement, il n'y a rien là. C'est pas le gouvernement qui a rien demande. Des pensées. Il y a 1200 hommes sur la planète Terre qui contrôlent l'évolution de la planète Terre au niveau économique, au niveau politique. 1200 à peu près. Puis va dans les champs de ces gens-là, puis tu vois que ces gens-là sont tous reliés à un niveau ou à un autre avec des sociétés secrètes. Quoi, gouvernement? Le gouvernement, c'est la représentation populaire du peuple. Ben, le gouvernement, c'est tout, c'est tout, comme un lobby. Un lobby. Ces hommes-là qui ne sont pas affichés, ils travaillent. Oh, ben non. C'est évident qu'ils ne sont pas affichés. D'ailleurs, on va dire une chose, c'est la première règle que tu dois reconnaître en politique, quand les gens qui rentrent ne sont jamais connus du public. Ben, garde la mafia. Regarde la mafia, c'est un exemple. De temps en temps, la police réussit à en démystifier un. J'ai manqué de me faire dessus, mais déjà, j'avais embarqué sur une ligne droite qui parlait de l'histoire du Vatican, d'ici, des ça. J'ai dit, c'est Vatican, ça, je dis rien, là, c'est la mafia, ça. C'est une ligne ouverte pour la tour, mais je pense. Faut vraiment lancer les vérités à la figure des gens comme ça. C'est là, du salamand. Hein? C'est là du serment. Moi, j'en entends des lignes ouvertes des fois. Je pourrais bien aller sur la ligne ouverte et parler, pas dire mon nom. Je le fais pas. Pourquoi? C'est une perte d'énergie. Ah, mais je vais. Ouais, tu veux venir. Là, oui, ça va. Je suis ici. Hey, fils de tabarnouche. Je vais écouter le téléphone après. Moi, je n'ai rien compris. Il y a un choc. Ça va tirer ton égo. Ça tire mon égo. Moi, j'ai essayé de faire un choc, de les réveiller. Il va être dessus. Je ne vais pas le tailler, ça. Ah, je vais être sur les c'était frayant. Mais on peut-tu, en essayant de réveiller quelqu'un sur un sujet, s'attirer des énergies? Vous n'avez pas réveillé personne. Oui, mais si on le fait, là, vous n'avez pas. Ça a déjà été fait. Ouais. On peut-tu s'attirer des énergies, enfin, on peut calculer négatif. Non, mais tu peux t'attirer des bosses. Oui, il y en a vrai qui s'y en a sur mon numéro de téléphone, mon dos, qui s'en est habitué. Tu peux être du monde qui comprenne. Ça, vous videz. Ah, mais le négatif, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas.